Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission du mois de juin 2021. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Béton sur les ondes du 93.6 sur le créneau Hellbanger, Hellbanger Radio Show. On est ensemble en presque direct jusqu'à 23h. Toujours plein de très bonnes choses à s'écouter avec quelques petites nouveautés pour ce soir. Donc on se les présentera tout au long de l'émission. Voilà, une spé française qui pèse bien lourd, hein, 40 minutes de groupe venu des quatre coins de l'Hexagone. Ça me fait toujours marrer de dire cette phrase-là. Enfin voilà, et puis on va explorer encore toutes les petites, comment dire, les petits trésors de notre belle scène française. On entame tout de suite la diff internationale avec la première doublette pour ce soir. Tout d'abord, Impale Nazaren, la formation de Nuclear Black venue de Finlande qui nous sort son nouvel effort studio. Toujours sur la belle française Osmose Productions, 8-8 Serpent, nouvelle prod Impale Nazaren. Et dans la foulée, on ne ralentit pas le tempo, puisque avec Impale Nazaren, on va s'écouter un extrait du nouvel EP de Unfathomable Renation, le groupe de Tech Brutal Death qui nous sort son nouvel EP, donc chez Whaleotype Records, Decanium Rinae. Chuck and Away, le titre de Impale Nazaren, The Great Contaminator, pour Unfathomable Renation. C'est parti, et bienvenue dans l'émission. We must be ashamed. There is no escape. Doublette suivante, doublette trashisante avec tout d'abord les vétérans ricains de Flotsam Jetsam. Ils sortent leur nouvel effort Blood in the Water. C'est toujours aussi cool, ça s'écoutait Flotsam Jetsam. Et dans la foulée, une première nouveauté dans l'émission d'aujourd'hui, les Allemands de Disaster. On est toujours sur un trash, black trash bien efficace. Rien de nouveau sur ce nouvel effort studio des Teutons, hein, 9e album en 30 ans d'existence. Plutôt productif en début de carrière, sur les dernières années, ils ont levé un peu le tempo en termes de sortie d'album, hein, un album toutes les 4-5 ans à peu près. On est toujours sur un truc bien old school, sans que ça sonne trop cheap pour autant. Voilà donc pour la présentation de ce nouvel effort de Disaster. Ce nouvel effort studio s'intitule Churchy the Without Saint, une sortie Metal Blade Records. Burn the Sky pour Flotsam Jetsam, Learn to Love the Void pour Disaster. C'est parti! dir ich trete an das kosmische Spiel zu gewinnen. Pour la doublette suivante, on continue dans le old school avec une autre formation venue des temps anciens et des États-Unis. Cirith Ungol, la formation culte de Heavy Epic Doom, qui, après l'album de la reformation qui était sorti en avril 2020, nous sort là un EP 4 titres, 4 nouveaux morceaux, toujours dans un style vraiment très très propre à eux, hein, comme je disais, entre le Heavy Epic et le Doom. Tout comme Disaster, on est sur quelque chose d'assez old school, qui colle parfaitement bien avec le style toujours proposé par Cirith Ungol. Morceau correct sur ce nouvel EP, sans être forcément comment dire, des titres qui resteront gravés probablement dans la disco de Cirith Ungol, mais enfin, voilà, le groupe est clairement revenu aux affaires. Half Past Human, c'est le nom de ce nouvel EP, également une sortie Metal Blade. Dans la foulée, Grave Miasma. Là, on est sur du bien crado, hein, du putrid death venu d'Angleterre. Abyss of Wrathful Deities, c'est le nom de leur nouvel album déjà dispo chez Dark Descent Records. Cirith Ungol, le titre, ben, il est écrit en français, donc je vais vous le donner en français. Hein, Route 666, voilà, c'est même pas Road 66, c'est vraiment Route 666. Et Grave Miasma dans la foulée, Demons of the Sand. Et c'est parti. We'll be right back. Le groupe qui ouvre la doublette suivante a bénéficié d'une sympathique mise en lumière la semaine passée avec un chouette focus signé Thibaut. Chandra pour la suite, extrait de leur nouvel effort studio All Occupied by Soul Death. Une sortie sur un label français Season of Mist. Et dans la foulée, encore un vieux Zikos, Herman Frank, bien sûr, ex-guitariste dans Accept, qui sort là son cinquième album studio Two for Lie. Thanatos, le titre pour Chandra, Hail the New Kings, signé Herman Frank. Et c'est parti tout de suite. We'll be right back. Et comme annoncé en tout début d'émission, on attaque déjà l'aspect française avec tout d'abord Ghastly qui sort son nouvel album chez 20 Buckspin Records. Mercurial Passages, Ghastly, on est déjà à quelques diffs au long de ces dernières semaines. On a déjà eu le temps du coup de faire la belle et présentation au Sony. Qu'est-ce que je vous raconte? N'importe quoi. On va rentrer dans l'aspect française et je m'emballe complètement avec Gasly, forcément, si je fous le bordel dans mes notes. Gasly, c'est pour du tout français, hein. C'est du death qui nous vient de Finlande. Mercurial Passages, c'est le nom donc de leur album. Je me suis complètement chié dessus parce que en doublette, par contre, avec Gasly, on a Inhumate et là, on est vraiment dans l'aspect française. Donc voilà. On efface, puis on recommence pas vraiment. Hein, pour Ghastly, les présentations de toute façon sont déjà faites. Inhumate, par contre, là, on rentre vraiment dans l'aspect hexagonal avec un extrait de leur septième et dernier album studio, Eternal Life. Dernier album studio, pas uniquement dans le sens où c'est le dernier qui viennent de sortir, c'est tout simplement le dernier de leur histoire. Le groupe a clairement atteint ses objectifs et c'est l'aboutissement de leur discographie. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil à l'ensemble de leur travail, puisque eux-mêmes bouclent la boucle avec un titre sur le premier album qui s'intitulait Alone. Et là, on va s'écouter le titre Alone, point d'interrogation. Ça donne clairement envie de se dire, mais putain, il n'y a pas un huitième album en fait derrière? Bon, il semblerait que vraiment, non. Inhumate, Alone, juste avant, Ghastly, Sea of Light, c'est parti, on va y arriver. Thank you. Bon, y a plus de doute, hein, là on est vraiment bien entré dans l'aspect française. Sordide, tout d'abord, le groupe de black metal qui sort son nouvel effort studio Les Idées Blanches, une sortie sur Les Acteurs de l'Ombre Productions, le premier album qui sort dans cette nouvelle écurie qui est la leur. Toujours ultra quali, le black bien particulier de Sordide, toujours chanté en français. Et ensuite, The Lost, formation Heavy, très inspiration Heavy Teutonic, Mystery of Death. Vraiment cool, ce nouvel effort de The Lost, toujours un plaisir d'en écouter quelques extraits. Je n'ai nul pays, le titre pour Sordid, Inner Ones, le titre de The Lost, c'est parti.